La cérémonie de constitution du comité à la mémoire du dirigeant Kim Jong-il s'est déroulée le 3 courant en Russie, en présence des personnalités des formations d'études des étudiants de 11 régions, notamment l'Association russe d'études des étudiants, ainsi que d'autres habitants. Le président du comité élu au meeting a souligné de livrer activement les cérémonies en l'honneur de ses exploits à l'occasion du 5e anniversaire de son décès, car il a accompli d'immenses exploits pour la révolution coréenne et l'accomplissement de la cause d'émancipation du monde.